Septième journée, 31 mars. Course du marathon au vélocipède. Le nom de marathon et tout ce qui s'y rattache excite à un haut degré l'intérêt du public, surtout depuis la victoire de Lewis. Voilà pourquoi ce concours, si attrayant déjà par lui-même, était le seul que l'on attendit avec impatience depuis celui du vendredi précédent. À ce concours prennent part 6 champions, un Allemand, M. Goodrich, un Anglais, M. Battel et 4 Grecs, Messieurs Constantinou, Iatrou, Aspiotis et Constantidinis. D'après le programme, les concurrents doivent partir de la première borne kilométrique de la route de Kefisia, suivre la route de marathon jusqu'à la 40e borne kilométrique où ils avaient assigné, en présence d'un commissaire délégué à cet effet, le protocole constatant leur arrivée à cet endroit. Ils doivent retourner par la même route, prendre ensuite les boulevards Hérodaticus et Olga, se diriger de là vers le vieux Phalère, d'où, en suivant la ligne du tramway à vapeur qui côtoie le rivage, ils ont à se rendre au vélodrome. La distance totale de cette course est de 87 km. Le long de la route, de distance en distance, des contrôleurs veillent à la parfaite exécution des clauses du programme. Sur divers points de la route, chacun des concurrents rencontre un entraîneur particulier. À 12h17, les champions, placés en face de l'hospice Evangelismos, et entourés d'un assez grand nombre de curieux, partent tous ensemble à un signal donné par un coup de pistolet. En un instant, on les perd de vue, ils dévorent littéralement l'espace. Ils traversent sans s'y arrêter les camps et les villages. Le héros du jour, M. Constantinidis, arrive premier à marathon en 1h15. Il signe en toute hâte le protocole et retourne à l'instant. M. Goodrich arrive second. Mais au retour, tandis que les concurrents se suivent d'assez près, divers accidents fâcheux viennent à se produire. La bicyclette de M. Constantinidis se brise, ce qui permet à l'Anglais M. Battel de le dépasser. Mais M. Constantinidis, montant alors la bicyclette de son entraîneur, parvient à l'atteindre à quelques kilomètres d'Athènes. Le sort continue à être contraire à l'infortuné bicycliste Hélène. Au détour du boulevard Hérodaticus, il tombe dans la boue et se fait une blessure au bras, mais sans perdre courage. Il monte la bicyclette d'un des amis qui l'accompagnait et parvient de nouveau à atteindre et à dépasser l'Anglais M. Battel, qui, épuisé, tombe sur la route de Phalère, tandis que son rival poursuit, avec la vitesse de l'éclair, sa route vers le vélodrome. Une foule immense s'était portée vers l'avenue de Kefisia et s'étendait jusqu'à Ampelokipi. Elle attendait avec la plus vive impatience le retour des coureurs de marathon. À leur apparition, elle pousse de nombreux vivats et leur adresse des encouragements. D'autre part, un grand nombre de spectateurs s'étaient rendus à Phalère pour y voir arriver le vainqueur. Le vélodrome était comble, la place et les alentours étaient noirs de monde. La famille royale s'était rendue vers 3 heures au vélodrome. Tout à coup, de vives acclamations se font entendre en dehors de l'enceinte. M. Constantinidis, noir de poussière, arrive premier. C'est lui le vainqueur. Il a parcouru la distance en 3h22min31s. Le pavillon hellénique est arboré pour la première fois dans l'enceinte du vélodrome. Un enthousiasme indescriptible s'empare de tous. C'est, sur une échelle réduite, la répétition des scènes du vendredi précédent après la victoire de Lewis. M. Goodrich arrive deuxième, 20 minutes après l'Olympionique Constantinidis. M. Battel arrive troisième, tout meurtri de sa chute. La retraite au flambeau du 31 mars fut assurément un des plus beaux spectacles dont est jouie la ville d'Athènes pendant la durée des fêtes des Jeux Olympiques. Ceux qui devaient y prendre part avaient été invités à se réunir dans la longue et large rue Athéna. À 9h, le cortège devait se mettre en marche. Bien avant l'heure fixée, l'affluence est considérable dans les rues et sur les places brillamment illuminées par lesquelles la retraite doit défiler. À partir de 8h, la foule est si compacte que la circulation devient presque impossible. Les différents corps qui doivent prendre part à la retraite au flambeau viennent se ranger dans la rue Athéna. L'escadron de cavalerie qui doit précéder le cortège prend place à l'extrémité de la rue, près de la place de la Concorde. Il est suivi d'un millier d'hommes de la garnison d'Athènes, appartenant à la cavalerie, à l'artillerie ou au génie. Viennent ensuite de nombreux soldats appartenant à l'infanterie. Ils portent tous des torches ou des flambeaux qu'ils allument au moment de se mettre en marche. Ils sont suivis d'un grand nombre d'élèves des différents lycées de la ville qui, musique en tête, portent au bout de perche des lanternes vénitiennes de diverses couleurs. À la place de la Concorde, 2000 étudiants de l'Université nationale rejoignent le cortège et prennent place entre l'infanterie et les élèves des lycées. Comme ces derniers, ils portent au bout de perche des lanternes vénitiennes. Après les étudiants et les élèves, se rangent les membres des diverses corporations, etc., etc. Dès que les torches sont allumées, la rue Athéna paraît illuminée d'un bout à l'autre et offre un spectacle féerique. Vers 9h, un double signal donné par le clairon commande l'attention. Tous sont rangés, tous sont prêts. Le clairon résonne pour la troisième fois et cette immense masse lumineuse s'ébranle. Un escadron de cavalerie ouvre la marche. Viennent ensuite la musique militaire suivie des soldats de la garnison, les étudiants que précède la musique de la Société philharmonique de Corfou, les huissiers du stade, qui, revêtus de leur uniforme rouge et coiffés de leur casque blanc, portent les drapeaux de tous les pays qui ont pris part aux Jeux olympiques. Suivent les diverses corporations entre lesquelles prennent place les musiques de l'Orium, de Leucade, de Céphalonie, de Zante, la seconde de Corfou, celle de la Société philharmonique d'Athènes, et celle de la Marine royale. Lorsque ce cortège interminable défile par la rue du Stade, le spectacle devient indescriptible. Les arcs lumineux forment une voûte ininterrompue qui, par l'effet de la distance, va se rétrécissant jusqu'aux dernières limites du rayon visuel. Les maisons et les édifices publics, illuminés et pavoisés, sont pour ainsi dire les rives entre lesquelles roule ce torrent de feu, dont des milliers de flambeaux, de torches et de lanternes vénitiennes composent les flots agités. Joignez à cela l'immense réverbération qui s'élève dans les airs, comme l'éclat d'un vaste incendie, les sons éclatants des musiques qui couvrent à peine la rumeur de la foule, et vous n'aurez encore qu'une faible idée du tableau vraiment magique qu'offre en ce moment la rue du Stade. La retraite arrive enfin à la place de la Constitution, qui, avec les arcs lumineux qui l'encadrent et son jardin enguirlandé de lanternes vénitiennes, offre un tableau d'un autre genre, moins imposant mais plus gracieux. Le cortège monte sur l'esplanade du palais. La famille royale tout entière, le roi de Serbie, le grand-duc Georges, du balcon de la façade, admirent ce spectacle grandiose. Les musiques défilent en jouant l'hymne national. Les soldats et les civils qui ont pris part à la retraite poussent d'interminables vivas. Les souverains saluent avec émotion. Le cortège est d'une telle longueur que l'avant-garde se trouve déjà sur la place de la Constitution, tandis que l'arrière-garde quitte à peine la place de la Concorde, située à l'extrémité opposée. La retraite descend ensuite la rue d'Hermès, prend la rue des Halles, dont les balcons regorgent de spectateurs, revient à la place de la Concorde et monte le boulevard de l'Université. Arrivée à ce monument, elle se disperse vers 11h, tandis que les soldats, au son de la musique, regagnent leur caserne. Le même jour, le roi donnait dans la grande salle du palais un splendide déjeuner en l'honneur des athlètes qui avaient pris part aux Jeux olympiques. Les représentants de la presse hellénique et étrangère, le comité hellénique, le comité international, les commissions, tous ceux qui avaient contribué d'une manière quelconque au succès des Jeux, en tout 250 invités, avaient trouvé place à la table royale. Conformément à l'invitation, chacun s'était rendu à ce déjeuner dans son costume habituel. Un Américain portait même la culotte courte de bicycliste. Seuls les athlètes hongrois portaient l'habit noir d'usage. Louis, en costume national, est l'objet de l'attention générale. Il est accompagné de son vieux père, bon paysan, dont la fière simplicité et l'émotion rappellent Diagoras de Rhodes. Au dessert, le roi se lève et, se tournant vers les étrangers, il prononce en français le toast suivant. « Laissez-moi, messieurs, vous dire la joie que nous avons tous ressentie en vous voyant venir en Grèce pour prendre part aux Jeux olympiques. Par l'accueil que la population vous a fait, vous avez pu vous convaincre vous-même de l'allégresse avec laquelle le peuple hellénique vous a reçu. Je saisis aussi cette occasion pour exprimer aux vainqueurs mes plus chaleureuses félicitations. » Chaque phrase du toast est soulignée par des applaudissements. Des « Vive le roi » plusieurs fois répétés en diverses langues accueillent les dernières paroles du roi. Sa Majesté attend assez longtemps que le silence se rétablisse, puis, levant de nouveau son verre, elle prononce en grec cette fois le toast suivant. « Messieurs, la restauration des Jeux olympiques dans leur classique berceau a été couronnée du succès le plus complet, le plus inattendu. Aussi suis-je charmé de pouvoir féliciter et remercier aujourd'hui tous ceux qui ont travaillé en vue d'arriver à ce merveilleux résultat. En quittant la Grèce, les champions étrangers feront, j'en ai la conviction, connaître les progrès du pays et les grands travaux exécutés dans un temps relativement court pour assurer le succès des Jeux. Mère et nourrice des Jeux olympiques dans l'Antiquité, la Grèce ayant entrepris de les célébrer encore aujourd'hui sous les yeux de l'Europe et du Nouveau Monde, peut maintenant que le succès a dépassé toute attente, espérer que les étrangers qui l'ont honoré de leur présence indiqueront notre pays comme le rendez-vous pacifique des nations, comme le siège stable et permanent des Jeux olympiques. Sur ce vœu, je bois, messieurs, à tous ceux qui ont contribué au succès de cette première Olympiade. Ainsi s'achèvent les Jeux olympiques 776 avant Jésus-Christ, 1896, par Pierre de Coubertin.